Le frère Achille. Voilà, tu vois, c'est celui. Oui. Comment va? Ça va très bien. Content, content. Bonsoir. Si la chaise comme ça, on est autour de la table. Frère, saute, donne-nous les quelques bouteilles d'eau qu'il y a au frigo là. Voilà, frère. Le frère Junior, je vous ai assez parlé de lui. Mm-hmm. Il regarde depuis là, il dit que comment il est court comme ça. Le pasteur Gérardet, le frère Faustin. Mon frère Faustin, enchanté. Bienvenue. On a fait cadeau ensemble à l'Assemblée. Ok, bienvenue. Mais l'autre jour, tu m'as zappé, tu m'as damé le pion, il est passé toute la nuit à t'attendre. On a fini presque à 20h. Samedi, là, parce que tu as dit samedi, on a fini à 17h. Non, on a quitté le 20h. On m'a dit que vous étiez. On a quitté le 20h, le 20h comme ça. Samedi. Et comme après la convalescence, c'est de l'enfant que j'aille dormir. Ok. Ça va, ça va. J'ai dû le plier par ici parce qu'il y avait il y a un frère qui est venu de Yaoundé là. Voilà. Donc, il est venu là, il fallait qu'il vienne l'accueillir. Il est encore retourné encore là-bas. Quand il va remonter, puis il revient, il part là-bas pour. Non, l'autre, c'est, l'eau, ça a été déjà ouverte. Donne-moi plutôt celle-là, donne-moi celle-là. Donne-moi une autre bouteille. Non, donne d'abord pour le. Parce que lui, il jeûne le soir. La chaise là, qu'est-ce que tu as fait tomber, frère? Parce que tu es le prince, non? Maintenant, vous venez la nuit, est-ce qu'on aura le temps de parler de ces choses-ci? À moi, c'est moi que c'est vous que ça dit. C'est un soldat comme de. Ok. Comme c'est à 2h. Ah, c'est glacé, pas glacé. Là. Ah, c'est pas grave. Même si c'est à 2h, ils n'ont pas de problème. Ok. Mais malgré que c'est le père de famille, le père de famille. Pour moi, je suis célibataire. Quand ils dorment dehors, mes femmes et mes enfants sont ici, non? Donc, ils veulent, aujourd'hui, c'est eux qui vont subir, c'est pas moi. Donc, vous êtes les bienvenus. Je crois qu'il faut éteindre le téléphone que ça ne dérange pas. Quand on partage ces choses, ça ne dérange pas, non? Ah, non, oui, ça c'est ça. Merci, c'est là aussi. Bon, la dernière fois, c'était. Non, ne t'inquiète pas, je vais rafraîchir la mémoire sur la dernière fois. Je vais mettre au bain, je vais mettre tout le monde au bain en lisant ce qu'on a écrit. Parce qu'on a échangé. Il était question que. Je crois que c'est entre le 13 et le 14, je vais lire le message. Je vais lire le contexte du message, puis et cela, ça va donner une base de partage. Quoi. Lui, il partait pour le Nigeria, et moi, je voyageais pour la Côte d'Ivoire, puis pour le Maroc. On devait se donner rendez-vous à notre retour. Et là, nous sommes au retour à la maison. Bon, je lis le message dans son entier. Franchement, pardon, si vous avez le téléphone ouvert, la fermé, il n'y avait pas quelque chose de perturbe ici. On n'a pas pris votre Bible, ou bien vous êtes vous-même la Bible. Ouais, frère Herman. Maintenant qu'il veut lire cela, il faut tu suivais chez toi. Et donc, on veut trouver le message jusqu'à la date. Date des. Voilà, je crois que c'est ici. 17. Là, après le 11 septembre. Non, il veut. 11 septembre. Juste, c'était moi, non? Voilà. Tu veux lire tout le contexte du message. Et puis, ça va nous. Planter le décor pour le travail. 8. Voilà. Nous, le message correspond au 8G. Si tu peux pas le trouver, 8G. Donc, voici le message. 8G. Donc, c'est un message que je reçois dans mon WhatsApp. Parce que comme on distribue les gens partagent les messages. Enfin, il y en a plusieurs messages comme ça, mais je crois qu'il y a plusieurs points où on pourra en parler. Je reçois ce message et puis il fait suivre à tout le monde. C'est sa réaction donc qui me fait donc qu'on commence à commenter la discussion. Je lis d'abord le contexte du message, puis je vous dis, tu as l'air de trouver chez toi. Voilà, donc le message que la personne envoie, c'est, il dit, j'ai regardé et je voyais, j'étais au Cameroun. Apparemment, la personne n'est pas au Cameroun. Dans une rue. J'ai marché dans une rue qui me semblait très familière. En fait, quand je vais lire d'abord le message, je vais vous poser d'abord votre impression avant de lire ce que lui a dit en réaction. J'ai marché dans une rue qui me semblait très familière. Pardon, rappelez-moi le prénom pour que je ne me trompe pas à chaque fois. Pasteur Girardin. Et Pasteur Faustin. J'ai marché dans une rue qui me semblait très familière. Moi, c'est Frère Junior. J'ai vu un homme qui passait, puis un second homme. Ils se sont placés au bord de la route comme des génies et se sont mis à expliquer pourquoi on ne doit pas jouer et être contrôlé par les jeux des sociétés et les games.

il prophétise sur un événement qui est vraiment observé par tout le monde. Et il rate ça. Il rate ça. Même s'il trouvait, ça n'a pas... Quel est l'intérêt de Jésus sur ça? Quel est l'intérêt de Jésus sur ça? C'est en ça que tu es en train de dire, par exemple, est-ce que Dieu peut me dire d'aller en France? Ou bien il peut prier Dieu d'aller en France? Oui. Quand nous prions, si la Bible va annoncer l'évangile, il y a son intérêt derrière. Attends un peu. La Bible dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, il dit selon la volonté de Dieu, ça veut dire que si nous connaissons le plan éternel de Dieu et que notre prière s'appuie sur ça, nous sommes en train de prier véritablement là, au sens où on sera exaucé. Il dit que tel que soit le cas, tu vas recevoir ce que tu veux. Voilà. Mais quand j'ai un prophète, si toi tu encourages les gens à aller chez les prophètes et que les prophètes prophétisent que Hillary Clinton va gagner les élections, il échoue. C'est quel genre de prophète? Comme ces expériences ne sont pas scripturaires, on ne les enseigne pas et on ne motive même pas une personne à aller là-dedans. Il n'y a pas une interprétation. Est-ce que chez vous, par exemple, vous priez pour les malades? Priez pour les malades. Oui. Mais pourquoi pas? Oui. Vous priez pour qu'ils guérissent, non? Oui. Regarde un peu. La mission est même collégiale. Oui, la mission est même collégiale. Ce n'est même pas une mission de Dieu guérisse. Que Dieu. Il peut être malade et qu'il accepte cette position-là. En ce moment, le Seigneur, il va avec comme le cas de Dieu. Dieu peut ne même pas le guérir. Et ils sont un serviteur efficace dans la position. Absolument. Aujourd'hui, nous le croyons. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une chose à laquelle nous sommes absolument tenus. C'est au point de rechercher les faits pas ça. Et de trouver en cela, de trouver dans les guérisons un élément de spiritualité particulière. Vous voyez, c'est là que. Et la même question qui est posée pour la guérison, ça se passe aussi pour les démoniaques, pour ceux qui sont considérés comme des enfants. Il dit la même question, il peut poser la même question pour le cadre. Connaissant la vérité, la vérité la franchira. C'est-à-dire quoi, Vendia? Mais il n'y a pas de démoniaque dans l'église. Non, il n'a pas parlé de l'église. J'ai dit, on amène quelqu'un qui est possédé vers vous. Il n'a pas dit de l'église. Je suis intervenu, pas pour ouvrir le débat de Marc 16. Non, il parle pas de Marc 16. Parce que je ne pas ce que l'écriture. Parce que vous avez dit, vous voulez que Dieu intervienne dans le cadre des malades. Non, j'ai expliqué en fait pourquoi on a tant de prier, demander à Dieu. Ces éléments qui rentrent dans la grâce. Oui. Pour le cas des démoniaques, par exemple, de façon spécifique. Il n'y a pas de démoniaque dans l'église. Il n'y a pas de démoniaque dans l'église. Il dit qu'on amène quelqu'un qui est. Si tu touches la personne des démons maintenant, tu ne touches pas Marc 16. Ça, c'est un autre sujet. C'est hors de la communauté locale. Hors de la communauté. Et là, nous pouvons utiliser ça très clairement. De la prochaine fois, on va voir. C'est deux choses différentes. Okay. Concernant ce dont on entend parler, ce que j'ai interviewé. Je ne veux pas ouvrir la parole. Donc, ça veut dire que si je connais un démoniaque, moi, je vais le faire. Dans le cadre de l'église, parce que Dieu n'a pas donné un pouvoir spécial à un homme. Oui. Il a donné un peu la parole à son église. Oui. Il écoute son église. Oui. Il dit, si vous avez un homme qui est malade, amenez-le chez les anciens. Oui. Il ne prie même pas pour ce dans la vie, dans les vedettes particuliers, il le met sous le collège. Voilà. La mission, ça ne regarde plus Moïse. Israël va enlever Israël. Donc, ce n'est pas une mission individuelle. La mission maintenant concerne un groupe de personnes. Quand le chef veut dire même le don de guérison, c'est pour témoigner qu'à quelque sorte qui n'a pas de don de guérison dans l'église, d'accord. il dit la foi. Alors, est-ce que tu ne comprends pas ce qu'il dit? Quand Jacques le dit, oui. C'est une façon de témoigner qu'il y a une dans le cas charismatique oui. de guérison dans l'église. En ce moment, on est en train de parler. Oui. Parce qu'il dit qu'on amène le malade oui. au collège des anciens. Oui. Ils vont prier pour le loin de Dieu. Dans ce moment-là, le lion de l'église était. Comment, n'est-ce pas? Parce que s'il faut envoyer chez les gens qui sont chez les anciens, oui. pourquoi ne pas l'envoyer chez ceux qui ont le don de guérison? Bonne question. Bonne question. Bon, le frère, il t'a dit quelque chose d'intéressant. Parce qu'il a cité le Jean 8 en disant que vous connaissez la vérité de la Sainte Évangile. Donc, si un démon vient, tu lui enseignes la vérité. Le démon, ça, il a ça fait une procédure. Okay. Mais, et c'est la meilleure même. Mm-hmm. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Oui. Et il dit dans le cadre véritablement où nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Oui. Et il montre les armes qu'il faut avoir. Mm-hmm. Dans ces armes, il n'a pas cité un homme là-dedans. Non, mais, attends d'abord, oui. il n'a pas cité un homme là-bas, il dit les armes de Dieu, répétez-vous les armes de Dieu. Oui. Et la Bible dit clairement que la foi permet d'obtenir ces choses. Mm-hmm. Ça veut dire, et la foi vient comment? Mm-hmm. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, oui. et ce qu'on entend vient de la parole. Un lunatique, on amène un lunatique, de posséder le moniaque. Voici la Bible devant toi, c'est la parole. Comment tu fais pour qu'il écoute la parole, pour que parce que non, le bon c'est un esprit qui est toujours dans le genre. Je veux dire que, tu vois, tu es en train de faire l'amalgame. Non, c'est pas l'amalgame, c'est pas l'amalgame. Il est dans la schématisation. Et en fait, il prépare le terrain pour la prochaine fois. Non, non, tu es dans le... Là, c'est ça, c'est des cas. Je suivais un débat à la télé hier où il y a une femme qui s'appelle Aïda Si et un frère en Christ, parce que pour ça, on est toi, c'est un enfant de Dieu. Il a écrit un livre sur le manuel scolaire à l'Église de c'est un débat très intéressant. Et il y avait dans le journaliste Jean-Louis Tanier, parce que c'était un document, une émission préparatoire veillant la rentrée scolaire. Il était sur le chemin de l'école. Jean-Louis Tanier disait effectivement à Aïda Si, qui est sénégalaise, elle a dit à cette dame-là que le tableau qui a été rempli de payer un peu la situation. C'est moi. Elle a dit à son milieu que maman, je sais pas ce qu'elle a dit parce que le Cameroun, comparé au Sénégal, qui est un taux de titularisation qui est très élevé. Mmh. Le Sénégal a un taux qui est plus bas. Mmh. On ne peut pas dire que le niveau de l'école au Sénégal est beaucoup moins que le Cameroun, alors que le Cameroun a un taux qui est plus élevé. Quand on paye 100 mois comme ça, on a l'impression qu'il arrive au Cameroun, alors qu'en fait le Sénégal à côté a un taux qui est beaucoup plus bas. Et donc on va le comparer. Alors il cite des cas. Mmh. Elle répond en disant que mais, si vous citez des cas pour, on peut citer des cas contre. Mmh. Expérience contre expérience, ça c'est une chose qu'on ne va pas s'en sortir. Mmh. Vous voyez, il faut avoir une bonne vue structurelle. Et ça c'est significatif. Mmh. Quand vous procédez de façon empirique, mmh. quand vous procédez par des situations d'expérience de cette nature-là, on ne s'en sort pas, ça ne construit pas une vie. Quand il présente l'expérience, pour qu'il dise qu'est-ce que l'écriture en dit. Non. Ce n'est pas ça qui est la question. Mmh. Parce que systématiquement chez toi, frère Junior, lorsqu'on parle, tu parles en réalité, mmh. il y a une constante dans ce que tu dis. Mmh. Tu cherches à valider l'expérience en te cachant. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un leurre, en fait. Et c'est ça le grand danger que nous reprochons à Karambiri et à Yongisho. C'est un leurre. Mmh. Quand tu dis tu veux savoir ce que l'écriture en dit, en réalité, non. Mmh. Tu veux dire ce que tu as compris de l'écriture relatif à ton expérience. Mmh. Ce n'est pas ce que l'écriture en dit. Mmh. Vous voyez? Parce que froidement, si on veut savoir ce que l'écriture en dit, il faut qu'on soit prêt à revoir ses propres positions par rapport à cette affaire-là. Mmh. En fait, ta direction, ton axe directionnel, ton axe, ta direction, en fait, c'est ton expérience. Mmh. C'est ce que tu vis. C'est ce que tu exprimes, ce que tu fais. Mmh. Tu vois? Et tu trouves dans les écritures des éléments qui justifient ce que tu mmh. fais et tu estimes que ça dit cela. Mmh. Mais non, oh que non. Tu vois, de l'autre côté également, il y a un autre regard sur la question. Mmh. C'est ce que Dieu a construit. Mmh. Et c'est dans ce que Dieu a construit qu'il faut marcher et mettre les droits de côté. Mmh. Si ce machin-ci est en train de brûler, cet amour brûle. La Bible dit que ça ne brûle pas. Mmh. Pour moi, ça ne brûle pas. Mmh. Vous voyez, même si mes yeux voient que ça brûle. Mmh. Vous comprenez mmh. Si la Bible dit ça ne brûle pas pour moi. Mais là, il faut encore comprendre le contexte, si c'est dans cet amour que ça parlait. Je suis en train de vous dire que... Mmh. Je prends cet exemple brutal oui. pour dire que, pour ce qui me concerne, oui. j'ai choisi de placer ma foi dans les saintes écritures oui. et partant de placer ma foi en Dieu. Oui. Je crois, Jésus-Christ n'est pas de mon village. Oui. Je ne l'ai jamais vu. Oui. Je ne le connais que par le texte écrit. Oui.